Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Algérino. Passez une bonne soirée, le week-end approche, j'espère pour vous. Peut-être certains, ça y est, vous êtes déjà posé en week-end avec le son de Skyrock et avec l'Algérino. Notre invité, comment va? On est là, très bien. À quoi? 3 jours de la sortie maintenant? Même trois plus, jours deux jours et demi? Ouais, 2 jours et le week-end et lundi, c'est dans les bacs. Voilà, dans les bacs dès lundi. Même pour ceux qui précommandent, j'ai envie de dire dès dimanche à partir de minuit, quoi, minuit une. Exactement, 7,99€. Vous le recevez tout de suite. Bim, tiens l'album. Tout de suite, ça arrive sur les portables, sur les ordinateurs. Hop. C'est magique, c'est la nouvelle technologie. Allez cliquer pour récupérer avec le Royal. Comment ça va, là? J'ai bien détendu. Tu es détendu. Tu es prêt pour cette sortie? Ouais, je suis prêt. En même temps, l'album il est là et on l'a fait avec le cœur et on le défend. Très bien, et on va continuer à découvrir ce soir entre 20 et 20 ans pendant que les canettes s'ouvrent. Exactement. Un budget canette illimité dans le studio entre 20 et 21. On a fait péter le budget à Skyrock. Tu as des invités, tu veux nous présenter tes invités tout de suite? Alors, on a un invité de marque ce soir, sans doute le DJ numéro 1 dans le rail, notre ami DJ Hamida. Salut Fred, salut tout le monde. Quelle décontraction, tu as vu ça? Tu as vu comme il est détendu? Bah là, il a signé un des gros cartons de l'été. Il est déconnecté. Il est déconnecté, gros carton de l'été avec Kaina qui ont fait un bisou. Rimka également, et puis l'artiste présent sur ce morceau. Ouais. Bon, ça va bien, t'es content? Très très bien. Ouais. Tout se passe bien? Ouais, très très bien. Quelle humilité? Tu as vu comme il est humble? Quelle humilité? C'est énorme. On est toujours comme ça. Bon, et l'Alger Hamida, c'est une longue histoire aussi pareil. Ouais, hein. C'est pour ça que je suis là. J'ai découvert l'esprit de scène avec lui depuis 2010 via 609 et franchement c'était magnifique. Y'a rien à dire. Donc il m'a fait découvrir un autre délire de DJ quoi. Donc parce que toi t'étais principalement club. Club et ouais. Et après la prestation de scène, et ce qui était bien c'est qu'on se concordait moi et lui. Tu vois, donc c'était magnifique. Il y avait beaucoup de feeling. Voilà, donc voilà. J'ai même envie de dire que c'est peut-être lui qui t'a inspiré les cartons du moment que tu as signé. Hein. Plus ou moins, des fois. Voilà. Je pense qu'on peut le préciser. Hein, voilà. Donc voilà quoi. Et bah écoute, bienvenue. On a lancé le petit qui est à côté. Là. Bah, bienvenue. Bienvenue avec nous. Qui sera en platine d'ailleurs? Il y a du live ce soir ou pas de prévu? Alors, ce soir, il y a un petit cadeau de DJ Hamida qui va nous faire un bon mix de tous les classiques rails que j'ai fait. Et qui étaient aussi dans ces compiles, c'est ça? Ouais. Donc, on mettait sans tes autorisations. Non, j'ai tout autorisé. Tu n'avais même pas besoin de me demander. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Gros mix de prévu, alors? Ouais, pas de problème. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 20h30, 20h40. Ok, y a pas de souci. À pas louper. D'autres invités de prévu ou... On va faire un petit fauneur aussi avec notre ami Skalpovic. Ah, très bien. Très grand compositeur. Sans doute le numéro 1 aussi dans toute la France. Et on n'a plus de nouvelles du prince? Le prince est rentré. Le prince est rentré. Ça lui a bien plu, le Planète Rap. Et là, c'est il a dit bon, j'ai d'autres investissements à faire. Il a pas que ça à faire, le prince. Quelle va être la suite pour toi avec le prince? Il y a des choses de prévues, des vidéos qui vont arriver? Parce que là, pour l'instant, on peut mater. Je sais pas, apparemment, ça a l'air de buzzer avec le prince. Donc, on va continuer dans nos vidéos. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de semaine, mais là, vous allez réécouter parce qu'on a le replay de la semaine à passer. Les meilleurs moments de cette semaine à réécouter. Le prince, il vient du Qatar. Hein. Exactement. C'est le prince Téménique, deuxième du nom. Exactement. Ne pas se tromper, c'est important. Et ne pas se tromper, c'est très important. Ouais. Et y a déjà des vidéos que tu as balancées. On le voit notamment racheter l'OM, ou en tout cas, ils en parlent sérieusement avec toi. Mm-hmm. Les bronzés font du bif. C'est un petit peu le teaser des bronzés font du bif. Exactement. On rachète l'OM. Après, tu as le clip Grosse Garde-Robe où on rachète Zara. Et il appelle ça Zarab. Donc, et voilà, il y a d'autres trucs qui arrivent. Bah, il y a peut-être le rachat de Skyrock aussi, hein, puisqu'il voulait le rebaptiser Skyrail. Ouais, parce qu'il est à fond sur la musique orientale, le prince. Donc peut-être que je vais bientôt céder ma place. On va prendre Hamida. Peut-être que je vis mes dernières heures à l'antenne. Peut-être que je vis mes dernières heures à l'antenne. On va te garder. C'est sympa. Non, on le garde, Hamida, lui, ou pas? On le garde. Allez, on le garde. Bon, c'est sa famille, frère. On trouve un petit placard, tranquille. Il va nous servir le café. Voilà. Le thé. Il va nous ramener les chichas aussi. C'est très bien faire le thé à la menthe. Ouais, c'est bien. Je suis spécialiste du thé à la menthe. Il est difficile, Hamida. Ah, mais là, tu me donnes une théière. Tu me donnes un peu de thé et de la menthe. Je te fais un carton. Allez, impeccable. Bon, là, on va se réécouter justement avant de balancer un des morceaux de l'Algérino. Ce qui s'est passé cette semaine, c'est concentré en quelques minutes. Et ça donne ça. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. C'est reparti pour une nouvelle semaine, le Planète Rap avec l'Algérino. Allô, allô? Allô, allô, mon ami. Mais tu es où, mon ami? Mon ami, alors écoute-moi, Air France, qu'ils aillent se faire une soupe. La SNCF, qu'ils aillent se faire une grosse soupe. Une grosse et soupe, là, ouais. je suis dans le taxi. Je t'attends avec impatience pour faire découvrir le cinquième album de l'Algérien. Le cinquième album, ça fait déjà cinq albums. Cinq et albums déjà. Et à ce moment précis, on peut parler de carrière. Allô. Allô. Le patron. Le patron du label MMC. Ça va, frérot? Ouais, ça va. Mais écoute, moi j'appelais pour donner de la force, pour soutenir, pour montrer qu'on est derrière, qu'on est là dans l'ombre, même si on n'est pas là physiquement. On est là, on soutient, on écoute, on analyse, on observe tout simplement et voilà. Et je tenais à dire ça devant toute la France, devant toi, devant Fred, devant tous ceux qui écoutent tout simplement. Et à ma droite, il y a notre ami tunisien. On se connaît depuis longtemps avec le Zankou Samir, donc voilà, on est venu soutenir. Tunisiano, l'Algérino sur Skyrock. Et ça fait quoi? Ça fait. Alors je chante. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. On débarque en CRS. Quartier Nord, c'est pas dans le GPS, frère. On a le son qui fait flipper les CRS. Roule un peu à tabac santé, je suis en fumée, je suis limite rata. Aïe! On débarque en CRS. Yeah! France dédicace, la Sabine, fond vert, la Castella, Flandau. Ma vie! Yeah! Yeah. Il y a beaucoup d'invités ce soir. À ma droite, il y a LSK, yes, et Marine Monster. Marine Monster. Marine Monster. Je voudrais que les gens se testent. Mais qu'est-ce que tu me testes? Prends son refrain, je suis le best. Qu'on te laisse. Moi faire ça m'intéresse. Je suis déjanté. Le prince. Ok, je me présente, Prince Téménic, 28 piges, milliardaire, 2014, je débarque en France, c'est le tiers-monde, c'est la galère. Je rachète tout sur mon passage, L'Oréal, le maquillage, la Tour Eiffel, le DF, le TGV, SNCF. Avec l'Algérie, non, j'ai investi, je suis producteur. Aria Monstre Marin, il est 40 voleurs. On entre dans la musique par la sordide, secours, demande le 6 octobre, c'est qui le disque d'or. J'écoute le Royal, ta voiture, elle tombe en panne. T'as trop mal à la tête, faut que tu prennes du Doliprane. On fait que les Américains, les Mexicains, les Hurricanes, les Jiricains, les Shurikens, les Capitaines, les Pylons, les Plastiméniques, Marocains, les Comobama, Bama, yes, week-end. Allergique au travail, tous les jours, c'est le week-end. Voilà, il va nous manquer quand même ce prince Téménique, hein, franchement. Il me manque déjà. Moi aussi, il me manque déjà. De toute façon, il va être avec moi demain. Je serai à Lyon, au Riyad. Voilà, gros showcase et il y aura le prince Téménique. Peut-être qu'il lâchera encore un freestyle à Lyon s'il est inspiré. Si le public lyonnais est chaud qu'il demande le prince Téménique, on leur donne, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra augmenter le cachet. Ah. Donc je vais appeler le patron du Riyad. Il ne se déplace pas gratuitement, pourtant, il est tellement pété de thunes. Ouais, que... mais à un moment donné, les choses se payent, sinon ça perd de la valeur. C'est vrai, tu as raison. Bon bah voilà, en tout cas on le salue là où il se trouve dans son jet. Peut-être qu'il écoute Skyrock à fond dans son jet et qu'il pilote direction Dubaï. Je sais qu'il avait garé son jet à la gare de Lyon. Ah oui. Donc, ouais. Le prince ne se refuse rien. Exactement. Il peut construire un aéroport dans une gare comme ça en l'espace normal, de quelques minutes. Normal. Se permettre. Bon, l'Algérie nous avec le Royal, ça sort lundi. On va continuer à en parler dans un instant et on débute avec quoi alors l'Algérie? Allez, grosse garde-robe. On va s'écouter grosse garde-robe. Grosse garde-robe, c'est parti. Coup d'envoi. Du Planet Rap, le dernier que l'Alger. C'est l'Algérino sur Skyrock. Big up, Momo le Suédois. Ouais, poto, je suis ta peintrée et jusqu'à là. J'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde-robe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. De pute qui jacques, de langues, de langues. Je la fais en Shaoui, en Kabyle. Ce sem, je la fais même en Turc, ananas, ce cœur. Dédicace, choule, 6 mètres, c'est correct. C'est des clés. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, fond de capitaux. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigots dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Grosse garde-robe. Ouais, pourtant je suis ta peintrée. Et jusqu'à là, j'ai tout mon temps, Rolex au poignet. Grosse garde-robe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langues, de langues, de langues. De pute qui jacques de langues, de langues. Je suis avec Bibi Melly. Angélique, foie gras, halal, confiture de figue à la recherche d'une halal. Pas d'excès de zèle, pas de coke dans le zen. Le fontaine de la veille, en plus tu fais la belle. Je fais le tour des boîtes et des chichas. Les rappeurs m'envient, je fais du bif, ils sont tous en l'air. Gars, rebeu frais, rebeu agile. Pourquoi tu me jalouses, rebeu fragile? C'est l'Angelino, on est sur Skyrock, mon ami détendu. L'album dans les bacs, le 6 octobre, lundi. Aïe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. Depuis qui j'attends de langue, de langue. Yeah, yeah. J'aime rouler toute la nuit. Que je gamberge de l'Eli. Appelle Tini, Amri. Aïe. Tu rêves pas, tu peux te pincer. On est sur Skyrock. Royal dans les bacs lundi, la famille. C'est du lourd, on est sur Skyrock, Planète Rap, c'est l'Algerino. Aïe. Comme ça fait unique, tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. De pute qui jacque, de langue, de langue. Eh oui, l'Algerino. Grosse soirée ce soir. Très très grosse soirée. J'espère que les meufs, elles sont de sortie. Donc elles ont pris la douche. Parce que beaucoup de meufs aujourd'hui ne se douchent plus. Elles mettent le maquillage chemé. Mais je mets, c'est la marque, cousine. Je le remets. Pour toi, j'ai la solution. C'est pas Elsev qui te faut, c'est Elsla. Oui, mon ami. Et à tous ceux qui putent la gueule aussi, au passage. Je te signale que ça existe, mon pote. Et tu peux y aller, vas-y. Mohamed le Suédois, l'Algérino, DJ Case. Wesh, Momo le Suédois. Grosse garde-robe à l'instant, c'est extrait l'album qui sort lundi dans les bacs avec en effet une introduction et une outro comme on dit. Exactement. Signé par Momo le Suédois. Qui est un humoriste qui monte, qui est de Marseille, qui a énormément de talent. Très bien, et bien on le salue lui aussi, il est présent sur l'album. Qu'est-ce que l'Alger, on a pu oublier de dire sur cet album? C'est le cinquième. Ouais. C'est vrai qu'on parlait de carrière, pour toi c'est lancé, hein, c'est depuis plusieurs années maintenant. Exactement, ouais, ça fait déjà 5 albums. On peut commencer à parler de carrière. Qu'est-ce que tu peux préciser autour d'Aigle Royal? Quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire cette semaine? À part te dire que c'est un album très très lourd, tu veux que je Il est très très très très lourd. Très très lourd, ouais, non, c'est un album que j'ai fait avec le cœur, qui est peut-être un peu différent des autres. Dans la mesure où en fait je sors un album au mois d'avril aussi qui s'appelle Oriental Dream. Je voulais pas le dire ce soir, mais je suis obligé de le donc, dire. Avril 2015. Avril 2015, il y a un album qui s'appelle Oriental Dream qui arrive. En fait, j'ai fait cet album, il y avait beaucoup de morceaux oriental, j'ai voulu les garder, on a bien travaillé avec Scalp, avec Nassi aussi, on a bien avancé. Là, j'ai mis tous les morceaux un peu, on va dire, rap, conscient, introspectif, du rap, quoi. Avec aussi quelques morceaux légers comme Les Bronzés font du bif ou Grosse Garde-Robe. Et tout le reste, je l'ai gardé pour Oriental Dream, on est dessus, on est en train de finaliser donc, ça. Avec avril 2015. Yes, avril 2015, et ça va être du très très très très et lourd. Et tu parlais de monsieur Skalpovic, qui est un phénomène, un génie. Qui est un génie total, yes. Et qui est même en ligne avec nous. Ce qui est assez incroyable, cette magie, cette. On est connecté. Cette émission connectée. Allô Skalp. Allô. Allô, comment. Skalp, bon, j'ai l'impression. Frère, comment va? Qu'on l'a tout le temps par téléphone en fait dans Planète Rap. Régulièrement par téléphone. Écoute, là je commence à faire des phoneurs là, de plus en plus. Bon, C'est malgré moi, hein, parce c'est que franchement, j'aurais tellement aimé être avec vous là ce soir avec Samir et. Ben voilà, normal. Ça va, Skalp, tranquille. Ça va, frangin, comment va? Ça va, très bien, on est là. Le problème, c'est que le gars bosse tout le temps, Skalp, en fait. Ouais, oui, c'est. Exactement, et puis là, malheureusement, je suis menotté en ce moment, hein, comme tu as pu constater l'audio aussi fait. Et voilà. Écoute, je sais pas dans quelle soirée tu parles, attends. Soirée menottée. Ah oui, ok, oui. Ça me revient celle-ci, ouais, d'un seul coup. Ouais. Putain, c'était bien marré, hein. Ouais. Oh la vache. Ah ouais. Oh là là, j'en ai renversé. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone, Skalp. Désolé. Mais grave, ça va, l'équipe grave. Va bien, Karim, Indila, tout va bien? Tout le monde va très très bien. Bah, là, on est enfermé, là, on bosse, hein. T'es sur quoi là? T'es sur quoi là? Par exemple, de... à 20h07, juste avant de nous appeler, t'étais sur quoi? Il est sur la réédition d'Indila, je crois, Scalp. C'est ça? Exactement. Ah. Voilà. Là, j'ai pris ma petite pause café, donc voilà, pour pouvoir être dispo et être là, ne serait-ce que voilà. Mais ça fait plaisir en tout cas. De vivre et. Voilà, mais sinon je bosse sur la réédition d'Indila actuellement. Et tu veux pas nous faire écouter un petit truc là, par téléphone? Ah là, je suis loin des enceintes. C'est ça, t'as raison. En tout cas, t'as pas de souci à te faire. Tu t'en tires bien, Scalp. C'est une certitude que c'est du lourd, frérot. C'est une certitude. Très bientôt, en tout cas. Bah voilà. Alors attends, je vais te questionner sur autre chose. Je vais te questionner parce que l'Alger a lâché un truc qu'il devait pas lâcher il y a quelques minutes. Il a dit que vous étiez sur un projet avril 2015. Yes, il a déjà composé quelques titres. Lâché le morceau. Hein? T'as déjà lâché le morceau. J'étais obligé. Je sais pas. Ça me démangeait quand je savais qu'on allait t'avoir au téléphone. En plus, il y a Nassi qui est à côté aussi. Et Nassi qu'on salue, qui est là, ouais. Et Nassi. Ouais. Il a l'équipe, hein. Ça arrive très bientôt aussi. En bon ambassadeur. Exactement. Bon, alors c'est quoi Scalp, le projet là de avril 2015? En fait, c'est pas à Scalp que je parle. Ah ouais. N'essaye pas parce que j'ai peut-être avoir plus d'infos. Je lui en dis pas beaucoup, Scalp. Juste, je sais qu'on va travailler sur cet été. Bon bref, vas-y, parle-lui. J'en dis pas beaucoup, mais voilà, c'est un monde entier de choses qu'on devait, parce qu'avec l'Algérie, il faut savoir qu'on se voit énormément dans l'année. C'est vraiment une personne qui est le bienvenu dans mon studio à chaque fois et toujours un plaisir d'échanger des idées, des vibes. Et à chaque fois qu'il passe, il ramène une vibe, une tendance et je peux pas m'empêcher de partir sur un délire. Et là, c'est un peu un condensé de toutes ces choses, quoi. Depuis qu'on se connaît, depuis 2009, qu'on a commencé à travailler ensemble, on a sorti quelques petites, mais on en a coffré aussi beaucoup. Donc voilà, ça va être un condensé de toutes ces idées, ces vibes. Et voilà, j'en dis pas plus. Voilà, bon. correct. Et ben, faudra attendre avril 2015. En tout cas, je voulais te dire devant toute la France que c'est un honneur de travailler avec toi, frérot. Tu es un génie et c'est de la même humainement, c'est dans la musique, il y en a pas beaucoup des mecs comme Scalp. Ça fait plaisir. Et moi, ça bouge pas en tout cas. Moi, c'est pareil aussi de mon côté. Hein. Ça fait plaisir, frère. C'est un vrai kiff et voilà, la porte est toujours ouverte. Hein. Il n'y a pas de raison. Et les menottes sont prêtes. Ça change, donc je supporte jusqu'au bout. Merci, mon frère. Voilà. Et quand tu veux, hein, on réactionne la machine, quoi. T'inquiète. De toute façon, on va s'appeler dans la semaine, Inch'Allah. Merci à toi, en tout cas, Scalp, d'avoir été avec nous dans l'émission ce soir. On te laisse retourner bosser. Et passe le bonjour à tout le monde, frérot. Et à tout le monde, à toute l'équipe. Ça marche, j'y manquerai pas. Un bonjour à toute l'équipe de Sky, à toute l'équipe, Samir aussi. Merci. Malo et compagnie. Yes. Youssef, voilà. Faites attention à vous et j'ai un petit café à côté de toi, hein, que t'es en mode détente, hein. Toujours. Comme d'habitude. T'inquiète. Hein. T'inquiète. À bientôt, Scalp. Sinon, faut lui servir un café, hein. Ouais. Café tranquille, détendu. Toujours serré. À la Marseillaise. Ouais, ça merci, frérot. Merci pour tout. À plus. Passez une bonne soirée, Scalp. Ciao. À très bientôt, ciao. Scalp avec nous par téléphone. Et tu disais Nassi qui est là aussi, qui fait partie de l'équipe, hein, qui est Nassi qu'on ne présente plus, hein. Nassi qui est juste un artiste extraordinaire. Je suis bon quand même. Il est bien. Je devrais être manager, un petit truc comme ça. Nassi qui est un artiste extraordinaire, qui a posé dans Marseille by Night, qui a posé dans Baina. Qu'a posé dans quoi encore? Génération No Limites. Génération No Limites avec Alonso, la folie. Celui-ci. Et des petits trucs qui arrivent aussi. Oh, ouais, des petits. Faut pas trop en dire. Non, pas trop en dire. Qui est aussi dans les projets de Scalp. De Scalp, de Hamida aussi. De Hamida. Vu que les morceaux aussi sont dans ce compil. T'as vu qu'il est là, Hamida? Il est tout discret. Il est dans son coin. Il est vraiment déconnecté. Chbik, Habibi, éteins-toi. Carton de l'été, tu es là, Hamida. Servez-lui un thé, s'il vous plaît. Allez, on s'occupe de ça et on va mettre peut-être un morceau maintenant, l'Alger. Alors, on va s'écouter, ça va aller. Ça va aller? Ouais. C'est parti, c'est extrait de l'album Aigle Royal qui sort lundi et toujours en précommande, l'Algérino. Nouveau millénaire, l'époque est folle. Dur de garder la tête sur les épaules. Ce monde me fait peur, donc je m'isole. J'ai pas compté combien de fois j'ai touché le sol. Où sont passés mes rêves d'enfant? J'ai grandi trop vite, ma chère maman. Papa m'a dit de prendre mon temps. Aujourd'hui je raconte mes regrets en chantant. J'avais rien à foutre du monde, plaqué, menotté. J'ai cru que le bonheur c'était de courir après le blé. Oui, les études abrégées, j'ai beaucoup d'acné. J'parle plus aux filles, j'suis trop complexé. Je me demande, je me demande, m'expliquer. Je me demande, je me demande, je me demande. Oh, je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. J'taillais les courges, j'découpais des plaques. J'traîne avec mes potos blancs, beurre asiatique et black. Assis contre un mur, j'fume ma première cigarette. Petit déjà, j'ai compris que le quartier n'était pas net. Juste en bas chez moi, je vois les grands qui bicravent. On a la PlayStation et la télé dans la cave. On freestyle jusqu'à pas d'heure quand j'découvre le rap. Papa me donnait des roses, il avait peur que je dérape. La conseillère me dit que j'ai des capacités. Avertissement de conduite rarement félicité. La plus bonne de l'école me fait tourner la tête. Un mec m'attend à la sortie pour faire un tête à tête. Je faisais tout dans l'excès, adolescent complexé. Maman se fait du souci, regarde la rue en train de me piéger. J'ai cherché la paix dans le pavé. Je ferai la guerre pour construire à maman son palais. Je me demande, je me demande, je me demande. Oh, j'ai pas compris, faudrait m'expliquer. Je me demande, je me demande, je me demande. Oh, je me sens pas beau, je me sens détesté. Petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Écoute-moi petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. L'album, c'est dans les bacs lundi, la famille, c'est du lourd. Je souhaite à tout le monde de sortir du Tchex, moi. J'ai trop été collé au banc de la thèse. Dédié à tous nos amis disparus. Je suis pas comme tous ces rappeurs qui vénèrent la rue. Je me demande, je me demande, je me demande. Je me demande, je me demande, je me demande. Oh, petit, ça va aller. Yeah. C'est la vie, c'est Aigle Royal dans les bacs, lundi la famille. C'est du lourd, c'est la Jerino, on est sur Skyrock. Aïe. Écoute-moi, petit, ça va aller. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. T'es tout seul sous le ciel étoilé. C'est la vie, c'est le monde, c'est les hommes. Ça va aller, c'est extrait de l'album Aigle Royal, l'album de l'Algérino qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. Il y a un gros medley réalisé par Hamida qui se prépare. Ouais, ouais, ça va être chaud bouillant dans les studios de Skyrock. Hamida fait nous rêver, quels sont les morceaux que tu as mis dedans? Qu'est-ce que... Lui dis pas, ne lui dis pas, ne lui dis pas. Après, surprise mon ami. Non, c'est un concentré de ses titres. Allez, de mémoire, deux, trois morceaux. Il y a quoi de mémoire? Les Bronzés font du bif? Non, même pas. Non, même pas. Non, ça, ça va être la session orientale de Planète Rap. Très bien, session orientale, parfait. Session orientale. Tiens, on va en profiter aussi pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd, puisque c'est ce week-end. Oui, donc, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Voilà, donc. On est dans le thème. Voilà, Aïd Mabrouk à toute la France. Voilà, à tout le monde. À tout le monde. Exact. Et donc, on en profite aussi, voilà, pour saluer tout le monde. Et on était sur une session orientale, c'est ça? Ouais, on va mettre les classiques qu'on a fait avec Scalp, avec Nassi. Donc, il y a du Wesh Denny, il y a du Keshmara, il y a du Classy. Voilà, ça, c'est des morceaux incontournables que tu as dû entendre dans toutes les chichas, dans des clubs aussi. Et dans les mariages aussi. Ouais. Numéro 1 dans les mariages. Eh ben bougez pas, ça va être dans un instant sur Skyrock. Petite question aussi pour choper dans quelques minutes l'album Aigle Royal dédicacé de l'Algérino. On revient, on bouge pas? Allez. C'est juste après ça le retour de Planète Rap. Comme toi, l'Algérino a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Passez une bonne soirée avec l'Algérino. Dans un instant, DJ Hamida sera au contrôle, sera au platine pour une grosse session. Yes. Avec l'Algérino. Et on parlait justement fête de l'Aïd ce week-end. Je voulais aussi saluer les gens qui sont de culture, de religion juive, parce que c'est Kippour aussi qui tombe en même temps que l'Aïd. Mm-hmm. Donc voilà, ça peut rassembler tout le monde. Ce serait pas mal aussi. Exactement. Un peu moins de distance. Donc voilà, une bonne fête à tout le monde, à tous ceux qui passent des fêtes en ce moment. Et pour les fêtes, j'ai envie de dire un cadeau pour tout le monde. Obligé. L'Algérino. Obligé. Pendant les périodes de fêtes, ils vont faire des cadeaux. Mais bien sûr, on peut s'auto-faire des cadeaux. Je crois bien que l'album Aigle Royal serait un bon petit cadeau. Le meilleur des cadeaux, justement, pour rassembler tout le monde. Je pense que c'est le plus grand des cadeaux. Toi, tu aimes rassembler les gens? Oui, moi, je suis. Ouais, on est dans le rassemblement. Attends. Quand même. Des limites hommes politiques quand tu dis ça. On est dans le rassemblement. Je vais partir en campagne bientôt. Aigle Royal. La mairie du 15e. Waouh. Du 15e arrondissement. Non, de Marseille. Ah, de Marseille, bien sûr. Ah, mais c'est pas l'actuellement qui a récupéré, là. Qui? C'est qui dans le 15e qui a non, non, c'est Samia Gali. Ah, c'est Samia Gali, ouais, oui. C'est chez nous, c'est chez d'accord, nous. C'est chez vous. Non, allez, non, je pensais à l'autre qui appartient au parti de. Ah, Ravier, là c'est... Ouais. Gravier. Gravier. Ravier, ouais. Lui, c'est quoi c'est quelle heure. Il nous a pris le 14e, cet enculé. Pardon. Le défie pas parce que c'est les genres de mecs qui sont très procéduriers, tu sais, ouais, là-bas. Il n'y a pas de souci. On a vidé les comptes. On a tout. C'est quoi le 14e à Marseille et... c'est quel quartier le 14e ben, c'est quartier Nord aussi. Ah, c'est aussi c'est quartier Nord. Collé au 15e, bien ah, sûr. C'est quartier Nord. C'est un drame national là-bas, c'est ce qui s'est passé. Bon. Bon, en même temps, voilà, ben, ça nous apprendra à ne pas voter. Donc, voilà, dans les quartiers Nord, la prochaine fois. Il faut y aller. Les mairies, quand il y a les élections municipales, faut aller voter. C'est il très, faut se très, mobiliser. Très important. Après, et bon, puis... les élections présidentielles, si ça vous inspire pas trop. mais dans les mairies de secteur, c'est important de faire le boulot. Mmh. Eh ben, c'est vrai. Et puis peut-être aussi même de se lancer. Moi, je te dis sincèrement, élection présidentielle, je vote pas parce qu'il y a personne qui me parle. Mmh. Mais quand c'est à côté de chez moi, les mairies de secteur et tout, je vote. Tu vas, toi, ouais. Ouais, ouais. C'est important. Bien sûr, c'est important. Si, c'est à nous de faire changer les choses. Et à un moment donné, surtout dans les quartiers, ça vote pas et faut avoir une conscience politique. On a un poids économique. Exactement. Parce que beaucoup de gens se mettent à faire du halal dans les carrefours et tout, mais on n'a aucun poids politique. Mmh. Donc à un moment donné, faut être visible dans le paysage politique et faut voter dans les quartiers. C'était très bien ce petit moment justement sociétal avec l'Algérino. C'est et très important, mais t'as raison de le dire. Non, et, bien sûr, bien sûr. Et ben on le voit, regarde, parce qu'il y en a pour le coup, ils se mobilisent. Et c'est vrai que quand t'as une mairie du 14e, et surtout à Marseille, bien qui sûr, c'est symboliquement tombe avec le parti des autres, c'est, là. C'est grave. C'est on peut grave. Pas dire que c'est super réjouissant. Ouais, non, en fait. Grave, grave. Bon, on va mettre un morceau, par contre, beaucoup plus réjouissant maintenant. On va se faire Humeur d'un jour. Quoique, Humeur d'un jour maintenant. Ouais, Humeur d'un jour, ça, c'est un bon morceau qui retrace un peu ce que je ressens en tant que. En tant qu'artiste, en tant que rappeur, au niveau du discours. Voilà, et on connaît un peu plus Samir dans ce morceau. On le balance maintenant sur Skyrock. Petite question, c'est pour repartir avec l'album Aigle Royal. Une question qui va revenir sur le Prince Téménique 2 qui était avec nous cette semaine. Quel club de foot, le Prince Téménique 2, a-t-il racheté avec l'aide de l'Algérino? Selon une célèbre vidéo qui tourne sur le net. Yes. Allez-y si vous avez la bonne réponse. 41. Pour combien déjà le prix? 1 milliard. Ouais, c'est ça. Avec le stade. Et avec la brune et la blonde. Personne ne joue dans le stade. Avec la brune et la blonde. Avec la brune et la blonde. Et là, je peux vous dire que c'est de l'indice. Hein. Et le stade, ça va s'appeler le Chicha Vélodrome. Allez-y, 41-759. Prénom, numéro de téléphone. Ah, ça fait rire, Mida. J'achète un plat. Il sait déjà où il va mixer prochainement, en tout cas. Mida, je le prête, le Prince Téménique, si tu veux. Si on a besoin, je le prête. Allez, on écoute le morceau. Humeur d'un jour, maintenant, c'est extrait d'Aigle Royal. C'est l'Algérino sur Skyrock. L'album Aigle Royal dans les bacs lundi. Mais qu'est-ce tu veux que je dise à ma fille quand elle sera grande? Désolé papa était underground, merde à la Zermi, loin d'être verni. Moi j'ai fait des tubes mais je rappe comme c'est pas permis. Mon arène est sur scène, il s'adresse à tout le monde. Je suis né à Marseille, j'aurais pu naître à Vitry-sur-Seine. J'ai rien d'un génie, c'est l'amour de la musique, l'amour de la rue, celle que beaucoup de gens dénigrent. On a fait ça par passion, on a fait ça aussi pour le fric, c'est vrai. On vient reprendre ce qu'on nous a pris en Afrique. Parcours aléatoire, destin préécrit, la rue m'a contaminé. Je suis un rat de laboratoire, moi. J'ai fait le tour du monde, ça m'a ouvert l'esprit. Bizarre comme trois notes de musique peuvent changer une vie. J'ai chanté l'espoir, j'ai chanté l'amour, mais ils veulent la guerre. Un calibre, c'est devenu glamour. Depuis la capitale, ils entendent des rafales de calage, des nerfs pleurent, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils vendent de la haine, de la violence payante, et ils s'étonnent que les petits frères pressent des détentes. De l'underground, j'ai gardé l'esprit, mais le rap, c'est pas ma religion, frère, c'est que du Nesby. Soit tu fais des sous, soit tu t'arrêtes au succès. Y'a pas de prison dans mon CV, des vérités dans mon CD. J'aurais pu te parler d'armée de coq pour vendre plus de CD. J'aurais pu te parler de putain de fric, moi. J'suis fidèle à mon éthique, moi. Pour ce côté de la street, j'ai jamais plaidé. Petit, j'viens pas t'inciter. Haram et Aliyah, trop de mes frères sont déjà décédés. La foi m'a guidé, dans la zik, je me suis vidé. Loin de moi dans le vide, trahir mes idées. À l'époque, j'm'inquiétais, j'avais pas de lové. Seul dans ma cave, les maisons disques me snobaient. J'avais besoin de cash, je cherchais le plan B. J'ai fait de la musique et je vois les poids tous tomber. Je me suis rendu crazy à écrire de la qualité. Me comparez pas aux autres, ils font que de la quantité. Je vais tout niquer, vous avez pas idée. J'suis Johnny de mon bled, j'suis Johnny Hallyday. On m'a tellement rabaissé, yema. Un jour j'lâcherai la zit, rien à foutre de cette dounia. Au fond de moi, j'ai jamais été heureux. Même avec les euros, j'reste de mourir miséreux. C'est l'Algérino sur Skyrock. Même avec les euros, j'rêve de mourir miséreux. L'Algier. Eh oui, mon ami, l'Algérino sur Skyrock. Aigle royal dans les bacs. Lundi, j'compte sur vous, la famille, pour soutenir. Aïe. J'écris pas pour inciter la jeunesse à faire du mal. Je fais pas fantasmer les petits à te parler de drogue, de prison, à te parler d'armes. À Marseille, c'est le chaos. J'ai perdu des amis, des frères. J'ai vu trop de mères en larmes. Fuck tous ces rappeurs qui font l'apologie du crime, de leur calache à deux balles. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Eh oui, l'Alger, c'est pas des hommes. Pour moi, les hommes, c'est ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, charbonner, pour nourrir leurs enfants et assumer leur famille. Le haram, ça ne paye pas. La hagra, ça se paye tôt ou tard. Alors, réveillez-vous les frères, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Humeur d'un jour à l'instant. Voilà, c'est lâché en tout cas ce morceau d'Algérino. C'est un morceau que j'aime beaucoup et le clip il est sur YouTube. C'est un clip que j'ai tourné à Alger. Allez cliquer, allez mater l'Algérino avec nous entre 20 et 21 dans un instant. Et avant de partir pour la session mix, on mettra Humeur d'un soir. Ah ouais, on a écouté Humeur d'un jour, maintenant on va s'écouter Humeur d'un soir. Et juste avant, il y a Shams de Nantes qui vient rapper dans l'émission. Salut Shams. Salut, salut tout le monde. En pleine forme? Ouais, ça va. Prêt à rapper? Ouais, prêt. Allez, on t'écoute, session freestyle par téléphone, c'est parti maintenant. T'as une 30 pour okay. Te déchirer. Sinon après, il y a le gong au bout d'une 30 et la trappe s'ouvre, c'est fini. Ok. Qui t'a dit que le rap nantais te donnerait pas le poireau? Ok. Par cette industrie. Ça fait. Y'a que dans ma street, on trouve les portes avec une clé de bras. Soldat du bitume avec la patate à Brock Lesnar. Guidé par les regrets, la street nous a forgé. Animal terrier, frérot, jusqu'au moment de se ranger. On a grandi dans la rue, mais on n'a pas tous les mêmes codes. On fait tous les mêmes conneries, mais on fume pas tous la même drogue. Chez moi, c'est comme chez moi, mais on dit pas les mêmes choses. Si les faits sont divers, les conséquences peuvent être des causes. On part finir comme un manche-père, on cherche tout à sa beauté. Donc entre nous, ça chauffrait, on finit par s'arroser. Non, c'est pas si rosé, ça reste sans souci. On t'invite chez toi comme une vie, c'est surpris, c'est sucé. La street a fait de nous des frères, donc on peut faire les coudes. Négro, c'est dans les têtes, la tête, on voit à quoi se faire tes couilles. Valeur et principe, chez nous sont les mots d'ordre. Mais le si tu trouves pas les voies perdues, quand t'as la mode. Ok. Qui t'a dit que le rap n'en fait, te donnerait pas le barreau? Et ben voilà, carré, court, efficace, Shams, bravo à toi. Merci. Du côté merci. De Nantes. On peut te retrouver sur le net, on peut te suivre quelque part. Ouais, sur mon compte Facebook, Shams Black Rabza, Shams B-L-A-C-K, collé R-A-B-Z-A, et sur mon Twitter, Shams Spartiate. Terrible, bah merci à toi Shams. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute, Une grosse dédicace à toute la ville de Nantes, à tout le 44, à mes frérots enfermés, Caracas, Mackenzie, Boer, ceux que j'ai oubliés, et dédicace à Dico et Iklam, dans leur voiture de loca de livraison. Je pense à vous aussi les frères. Ah bah ça roule, à bientôt, ciao, merci à toi Shams. Vas-y, merci. On avait promis le morceau Humeur d'un soir, on le balance avant le mix de. Allez, vas-y. De Hamida qui est déjà parti au platine. L'Algérino, c'est extrait de l'album Aigle Royal. Deux heures et demie du matin, pleine gamberge, plein de trucs qui te passent par la tête. Tu remèmes, tu te remets en question, tu voyages dans tes pensées. Tu te poses plein de questions sur la vie. Où tu vas, où tu en es. Tu sais même pas si tu seras encore là demain. Si ça se trouve, c'est peut-être même les derniers mots que j'écris. Enfin. Sais-tu ce que c'est que sentir souillé? Sale jusqu'à la moelle, baignant dans une mare de péché. J'ai pied mais je me noie. Toute ma vie je n'ai fait que tricher. Trimer pour des billets, l'envie de tout piller. J'en oubliais même de prier. On se croit tout puissant, adolescent inachevé. On se croit invulnérable, un simple virus peut nous achever. Toute ma vie j'ai triché, trimé pour des billets, l'envie de tout piller. J'en oubliais de j'en ai rien fait. Y'a que tes actes qui restent, ta descendance que tu laisses. Tout ce qui s'élève se rabaisse. Au final, mon frère, j'fais le bilan et j'vois que j'ai rien fait. Dans ce monde de part, je c'est du lourd sur Skyrock, l'Algerino. J'fais le bilan et j'vois que j'ai rien fait. L'album dans les bacs lundi. Aïe. Les faux amis ne cessent de me juger, mais ils ne me connaissent pas. Ils étaient où quand à peine je purgeais? Personne n'était là, j'en veux à personne. Je m'en prends qu'à moi-même. Trop bon, trop con, t'ouvres ton cœur et c'est des frérots qui te la mettent. Je veux quitter ce monde de fou, je rêve de mourir à la Mecque. Loin des médisants, de tous ces gens qui souhaitent ta perte. Je purifie mon cœur quand j'écoute les frères qui font rappel. Ils me parlent de l'éternel. Des frissons, mon cœur s'apaise. Le diable pisse sur mon oreille. J'entends pas l'Eden, je suis sourd. Je sais ce dont mon cœur a besoin. J'ai de la flemme, je me sens lourd. Yeah. Je me sens lourd. Yeah. Je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Je me suis saoulé pour tout oublier. J'ai fumé pour m'anesthésier. J'ai chanté pour extérioriser. Je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai prié. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tout sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tout sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tout sous terre. Une belle été de terre, c'en est fini, on finira tout sous terre. C'est l'Algerino, humeur d'un soir. Extrait de l'album Aigle Royal dans les bacs, lundi la famille. On compte sur vous pour soutenir, c'est dans toutes les FNAC. C'est sur iTunes aussi, en précommande. Aïe! C'est extrait de l'album L'Aigle Royal. Aigle Royal de l'Algerino. Ça sort lundi dans les bacs. Humeur d'un jour, humeur d'un soir. C'est le morceau qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Les deux morceaux, vous le retrouvez évidemment sur l'album. Et si maintenant on partait pour cette session mix? Allez, c'est parti. C'est après. Toi qui l'ambiance, l'Alger? Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. Et il y a aussi notre ami, Sosomanes. Nes qui est là. Viens là, mon poteau. L'équipe Liga One qui est là ce soir entre 20 et 21. Qui est en train de préparer un album de fou aussi. Toujours classe aussi, hein. T'as remarqué Sosomanes? Tarpin généreux, tarpin beau gosse. Tarpin beau gosse. Voilà. Le morceau qu'on va vous faire après d'ailleurs. Et ben on va l'écouter dans quelques minutes dans le mix. Non, mais avant tout, on vient soutenir le frangin, Samir, l'Alger. C'est un taulier à Marseille. Il a fait du bien au rap marseillais, et voilà quoi. On se doit, nous, la nouvelle génération, de venir supporter. On n'en supporte pas beaucoup à Marseille, mais lui, on se doit de le supporter. Tu es un monstre. C'est la famille, lui, c'est comme mon petit frère. On est prêt? On y va? Allez, c'est parti. Tu as besoin d'un peu de réverb. Un peu de réverb. Exactement, comme si on était sur Mets-nous, mets-nous, vas-y, vas-y. Mets-nous la petite réverb magique, là. Vas-y, frérot. Test, 1-2, 1-2. 1-2. Yeah. Voilà, c'est Nicolo. Parti. Hamida au contrôle. Parti, mon ami. On est bien sur Planète Rap. DJ Hamida au platine. L'Algerino Sosomanes. Wesh, Dani, wesh, Dani, Andeka. Wesh, Dani, wesh, Dani, wesh, Dani, Soufria. L'Algerino, aka Johnny Hammer. Demain, on est au Riyad Showcase de folie. Eywa! Et dimanche, on sera au Garden à Saint-Denis, c'est correct. DJ Hamida au platine. Fred est là aussi, Sosomanes. Nassi, aïe! Des mariages, cortège en pana, Miracaïen dentier en 24 carats. Cousine, tu me cherches, je suis au cabaret de l'Estac. Avec Malo, Kassim, Jaco et Rek, Tadiro, Renna et les menottes. Et on fait voir toutes les couleurs, la minote. Mets-toi frais, ce soir, je sors, je dormirai chez un pote si elle m'ouvre pas la porte. Igleba. Wesh Danny, wesh Danny, big up Yanis le demi, c'est correct. On est bien sur Skyrock, l'album c'est dans les bacs, Lenji la famille. FF un petit dégradé. Eywa. Gros gros gros classique. L'Algérino Kader japonais. Kader japonais. Eywa. Berindi Fouli. Wally t'khdi adou c'est classé. On fait dans la musique, mieux que de faire dans la cesse. Je suis avec des chawis, je suis avec des bilcus. Y'a ceux qui roulent en gamme, c'est ceux qui prennent le bus. Je cherche la petite bête pour sortir ce soir. Faut que je m'embrouille avec ma meuf, faut que j'invente une histoire. Y'a Riyad qui m'attend, ça fait plus d'une heure. Raconte pas tes problèmes de cœur, je suis pas d'humeur. Ok, j'ai qu'à domicile. Oh oh, le qalil. Eywa. Amar est tranquille. Oh oh, ça fait zizil. Ani, bien dit folie. C'est du lourd sur Skyrock. Mixé par DJ Hamida. Eywa, Maroc, Algérie, Tunisie. On est en mode ride. Un peu de soleil, je te remets en mode fly. La solution n'est qu'un, j'y parie que c'est la crise. Parie que tiens, retiens, ne me fais pas la bise. On prend un lambeau, plus souvent en Clio. On fait des technines, fuck les bimbo. Tête de bico avec un gros naso. Tu t'es pas vu cousine, ton sac vite, on s'éteint faux. Ok. DJ Hamida, number one, mon ami. C'est l'Algérino sur Skyrock. Nassi sur Soumanes, on est là. Eywa. Jibouhouya. Jibouhouya, Jibouhouya. Faites péter les messages. Je vois que ça apprécie dans l'écran, c'est correct. Il y a un gros projet qui arrive aussi oriental. Comme un Big Mac Club. Bass cross caisse pour les rageurs. L'Algi Djel El Handewi. Technique au micro comme on y Handewi. Fesse, ça vient de Meknes, de Fesse. Wesh, wesh, Panamera, à Marrakech, Kev. Fais pas la hache, on est VIP. Même rien dans les poches, tous des PDD. Ça flop pour Sadi. A la Mamounia, je joue au Gabi. Tu joues des Pumas. Tes frères en cavale, Rouya c'est hardcore. Arrivé dans la douane, 20 euros dans le passeport. C'est correct, de la pure musique orientale sur Skyrock. Algérie, Maroc, Tunisie, tous les amoureux de la musique orientale, on est là mon ami. Tahiel Jezey. Gros gros classique aussi, l'Algérino sur Skyrock, Marseille by Night. Produit par Skalpovic et Nassi au refrain. Aha. African Tonic, sahbi. C'est correct. Consulte les SMS, font saturer mon portable. Frais devant la glace, lunettes Prada. Eywa, ça sent la fraîcheur, beau gosse, hamdoula sava. Fais tourner la disquette, orientale est magique, magique. La baguette africaine est tonique, tonique. Fais de la place, y'a de la classe. Ce soir ils vont te faire rêver les chiens de la casse. Eh oui mon ami, on est sur Skyrock. Ça à cause de la pelette, fesse pas jet ski. Les flics on les esquive. Oh, Araya, la forte mondéo sur le rétro. Y'a les vieux qui jouent au ram, y'a la place d'ex. Y'a les charbonneurs qui flambent au casino. Dex, dex, dex, dex. Y'a les manouches, carnouches, arbouches qui gardent la pêche malgré la Ce soir c'est détendu, on évitera les bends. Marseille la nuit, c'est Alger, Miami, Tony et Manny, Johnny Hama et la compagnie. Ambiance chicha, señorita, Arbia, wesh Pika, t'es qu'on fait danser le Mia. Danse le Mia. Wakuzi, la vie est belle et le destin est dans les cas. Farhan, j'ai gagné au poker. J'ai rasé chez Idir. Ce soir c'est moi qui pose la bouteille, casse pas la tête, Bachir. Rien dans le compte bancaire, tout est dans la poche arrière. Du violet, du jaune, du beige, pas bleu, casse pas la tête, on pèse. Métaux précieux, ray, on est classieux. Beauté, poto, aïe, ça s'annonce chaud. Tu galères à l'entrée, envoie un texto. Wesh, poto, wesh, cousine. Orti, on a sorti le dernier spooky. En GP, en GT, Audi, TT. Frais, t'es frais, en hiver comme en été. Je te mets dans jusqu'à Beyrouth. Ma voix résonne de Marseille à Belize. Get him, envoie la chicha. De la chair et de la chair, ma, bien sûr qu'on aime ça. Tu connais la gimmick. Marseille, pas de clinique. Tous les cortèges sacrés. Et oui, mon ami, on est incontournable. DJ Hamida, c'est un tueur, la famille. Les balles sur la tête, casse pas la tête. Je veux t'apprendre comment on fait la fête. Ça vient de Stephen Bazer, ma, tu kiffes pas le son Jaoui, le son qui fait bouger les jacquemas. DJ complet au garde, bitch, ça garde dans ma biche. Puis au plancher sur la corde, niche. Amar, amar, khoda, war, dawar. Jib, l'appareil, photo, savoir, savoir. C'est la folie, la famille, c'est la folie. Quand on est pas joli, petit, on reste poli. Ça c'est pour les frères qui bisent et qui n'ont pas le temps. Ça c'est pour les sœurs qui traînent à Camille Pelletan. C'est la folie dans les studios Sky Rock, mon ami. L'Algérino dans les bacs lundi. Allah yasterna mel'in, c'est j'tar. J'tar, motherfucker, c'est j'tar. Motherfucker, j'tar. Motherfucker, ايوه. يعرفوا لي القعدة هنا. تحية الجزائر, تحية المغرب, تحية تونس. On contrôle ce soir, t'inquiète frérot. Aïe. Mais si tu sais pas danser. Ok. Les gens ils vont t'ambiancer. Remix de folie. Pas danser. Les gens ils vont t'ambiancer. Star, motherfucker. Star, motherfucker. Star, motherfucker. DJ Hamida. Yeah, yeah. On a un génie des platines ici frérot. Star, motherfucker. C'est star, motherfucker. Star. Motherfucker, c'est j'tar. Aïe. Ewa. C'est correct. Y'arrifou l'il-gada. Khamsa ou khamous. Je répète, demain on est à Lyon, Riyad. Dimanche, on sera à Annemasse. Non, dimanche, pardon, on sera au Garden. Pardon. Yeah. Ce sont Manes, l'Alger. Dédicace à fond vert. Eh oui, mon ami. Liga One Industry. C'est correct. Marseille, tous les quartiers nord, frérot. La Sabine, le Plandao, la Castellane, fond vert, la Busserine. Aïe. Tout le monde. Eh, tu sais comment on est, frère. Et Tarpin, ça veut dire beaucoup. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir le clip. Tout le monde. Aïe. Y'a Tarpin de rappeur que des mythos. Y'a très peu de permissions. Foutons la tête et avance. Dis-toi que contrairement à d'autres, on a Tarpin de chance. On est Tarpin fou, mais Tarpin hnine. Elle trouve Tarpin chou en mini host. routine, t'as rien d'Jazayer. Pour les miens, j'ai Tarpen. Steam, José Pesanochi, j'ai Tarpen le Steam. C'est Marseille City Beach, capitale de l'ambiance. Allez bébé, rejoins-moi sur la piste de danse. Ce soir, l'équipe, c'est Tarpen cool. On a posé les bouteilles et le dompé cool. Tarpen flow, Tarpen fuit, Tarpen chaud, c'est ma vie. Yeah. Tarpen yeah. Steam, Tarpen yeah. Yeah. Les gens viennent. Le trafic, un beau clip, beaucoup de clics. Tarpen chic, mon agalite. Font vers dans sa ville, plein d'art yeah. Tarpen généreux, Tarpen beau gosse. Tu jettes sous les cheveux, en gros gamos. Vouloir la vie de rêve, on est Tarpen. Tarpen, Tarpen. Eh oui, mon ami, on est sur Skyrock, sur son manette, l'Algérino. Tu jettes sur les cheveux, en gros gamos. Vouloir la vie de rêve, on est Tarpen. Tarpen, Tarpen, Tarpen, Tarpen. Y'a Tarpen, rappeur que des mythos. Très peu de vaillants, Tarpen Béro. Trop de vécu donc forcément, Tarpen d'Espi. Tarpen d'ennemis, très peu d'amis. Mais Hamdoudou toujours des frères au qui. Location Bentley, les panas Ferrari. Les fous rires, les barbeurs, au bas nos tours. Et pour la gloire et la richesse. Eh oui mon ami, on est sur Skyrock. Barbecue, la chicha, mon zinco. Eh oui mon ami. Respect pour nos mères, nos mamas ont souffert, un petit frère réussi, le daron, Tarpen fier, le bonheur en sursis, le quartier nous endurcit. Yeah, yeah, yeah. Tarpen d'amour aussi. Marseille, Tarpen quartier sud, quartier nord, centre-ville. Tarpen, Tarpen, Tarpen, Tarpen généreux, Tarpen beau gosse. DJ Hamida au platine. Vouloir la ville de rêve, on est Tarpen. Tarpen, Tarpen. Ok, yeah, yeah, yeah, yeah. J'oublierai jamais d'où je viens, ma vie que je l'aime Tarpen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quartier nord, quartier sud, CV, on est Tarpen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, solidaire Tarpen. Eh hey, oui mon ami. Yeah, yeah, yeah, yeah. Et tout le monde derrière là. Alger cousin, Tarpen. Tarpen généreux, Tarpen beau gosse. Tu jettes sous les cheveux, en gros camas. Vouloir la vie de rêve, on est Tarpen. Tarpen, Tarpen. DJ Hamida au platine. Tu jettes sur les cheveux, en gros camas. Vouloir la vie de rêve, on est Tarpen. Tarpen, Tarpen. Yeah, Lundi, Aigle Royal dans les bacs. Allez-y l'acheter, lâchez-vous, oh. Tarpen à l'instant avec Soso Manes qui était là aussi ce ça soir avec nous. Merci. Gros classique, merci Soso d'avoir été là avec nous. Merci à Nassi. Merci à vous. Et DJ Hamida qui nous a régalé une fois. Déchiré. Je tenais à te dire devant toute la France. Tu es le numéro 1. Voilà. Merci à toi, Pablo. Comme ça, c'est dit. Merci. Ça fera plaisir au numéro 2. Et au numéro 3. Et au numéro 3 aussi. Ah, c'est la famille, t'inquiète. Allez, l'Algérino, avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. La roulette qui va tourner avec Nessayem d'ici les Moulineaux. Salut Nessayem. Bon. Salut. Ça va bien, en pleine forme? Ça va, tranquillez-vous. Bah écoute, en pleine forme aussi, tu es prête à faire tourner la roulette? Ah oui, je suis prête. Allez, je la lance dès que tu veux, c'est parti. Coup d'envoi. Waouh, c'était très joli. Merci. De rien. Eh ben voilà le spectacle événement, la tournée avec Skyrock de Kev Adams. Il y a deux places pour toi, le voilà, voilà tour. Et en merci. Plus de cela, tu reçois le DVD avant sa sortie. Merci beaucoup. À bientôt. Je vais passer une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, dédicace à ma sister Ertada, Richalda et Rasmida, et mon frère Raed. Et surtout, une grosse dédicace à tous les musulmans pour la fête de l'Aïd. Eh bah, bonne fête à tout le monde, c'est ce que je disais, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, bonne fête à tout le monde. Exactement. Oui. Et pour les cadeaux, rappelez-vous que l'album rappelez-vous de l'Algérino sort pile poil. Ça tombe très bien. Exactement. Ça tombe très bien, j'ai envie de dire. Lundi, c'est dans les bacs, je compte sur vous pour soutenir. On est là. Merci à vous tous, merci l'Algérie pour cette merci semaine. Merci pour cette semaine magnifique. Je voulais rappeler merci que j'ai Nassi, Soso Manes, tous ceux qui sont passés. On remercie les invités. Khalif Hardcore qui était là aussi. La famille Nassi, Khalif Hardcore qui est là. Toi. La famille, on va vous dire au revoir. Voilà. Je voulais passer une grosse, grosse dédicace à Gibson. Je dois faire un morceau avec lui, un clip. C'est du lourd, lourd, lourd de Marseille qui arrive. Dédicace Riyad, Malik, Mams, Koum. Voilà la famille qui nous a accueillis. Fred, Skyrock, voilà. L'album de l'Alger va arriver, va tout niquer, la famille, allez l'acheter. C'est du lourd, lourd, lourd, la famille. Voilà. Attends, moi aussi. Je voulais juste faire une putain de dédicace à Maliga One Industry, à Adèle de Fontvert, à Mimiche du Parc, Et voilà quoi, tous les mecs qui me reconnaissent. Nassi, Hamida. Moi je remercie déjà l'Alger pour son projet et pour, enfin voilà, on est là pour le soutenir. Moi aussi, je te remercie d'avoir invité, ça fait plaisir. Et puis bah. Et puis bah bonne continuation. Et mais pour tout de plus, Maranavi, ils sont là. Je voulais dire aussi qu'il y a le projet Oriental Dream qui va venir, qui va arriver au mois d'avril. Ça va 15. Être du très lourd. Avril 2015. Et je voulais rappeler aussi que j'étais en concert donc samedi, donc c'est demain. Excusez-moi. Bah vas-y, vas-y. L'émotion. Au Riyad, donc on sera demain au Riyad à Lyon. On sera dimanche au Garden à Saint-Denis, dédicace à Oujda et Grosyeux. On sera le samedi 11 octobre au 8 Club à Annemasse, le 12. Ah, c'est chez moi. Tu seras le bienvenu, Nassi. Le 12 octobre au Canal à Bruxelles. Là-bas, ça va être la folie, c'est chaud. Le 18, c'est très serai à Agadir, Meknesi Style, tu es bienvenu aussi. Le 25 octobre, on est à Strasbourg et bon, et toutes les dates, elles sont sur mon Facebook, officiel ce soir, sur le Twitter officiel. Et je remercie vraiment mon public, la team Aigle Royal qui est sur Twitter, qui arrête pas de lâcher, la team Algerino, la team Algerina, on est là. Merci à vous gros tous. Gros bisous. Merci l'Alger. Et lâchez-vous, le NJ, allez acheter l'album. Tu sais que G-Fool est arrivé. Oh putain, G-Fool. Eh oui, on est là. Et je l'entends, il s'active derrière. J'en profite, je mange un peu. Je fais un gros bisou à toute ma famille, à ma femme, mes enfants, Alia, Djibril, Sonia, toute la belle famille, tous mes amis, la famille Dogman, la famille Joglal. J'en ai oublié des tonnes. On vous fera plein de dédicaces, vous cassez pas la tête. C'est l'Algerino, l'album, il est dans les bacs. Je compte sur vous, la famille. Et G-Fool, on te laisse l'antenne. Oh, Djibou. Eh ben, merci. C'était carré. Et Marie, bien sûr, et toute l'équipe. Ah, merci. Au fait, tu as tapé dans l'œil du prince Tébé. Ah, oui, j'ai cru comprendre. Que tu lui as fait, J'ai bouffé son Kinder hier. Et bah, là, c'est... J'ai bouffé son Kinder. J'ai bouffé le Kinder. Et là, c'est la grande histoire d'amour, quoi. Tu n'as pas de mémoire, Thomas. C'est un scoop. Comment? Elle n'a pas l'habitude. Il y avait une voiture dedans, bizarre. Bon, merci. Rendez-vous donc très très vite, l'Alger dans les bacs lundi. Mangeuse des Fredo, semaine prochaine dans Planète Rap, c'est Soprano. C'est Sopra et on sera en direct d'une salle de concert parisienne. Ouais, en live. Vous pourrez vivre ça et choper les toutes dernières places. Il va y avoir un tirage au sort, donc allez guetter sur skyrock.fm parce qu'on a réussi à débloquer quelques dernières places. Sinon, tout était blindé, mais on vous en a débloqué. Il y a un tirage au sort là qui se prépare sur skyrock.fm. Eh bah, bien, profitez bien, allez-y vite alors. Hein. Ouais. Vite. Et tout à l'heure, on te retrouve pour la nocturne juste après la radio libre, Fred. Aussi. Ouais. Et on continuera le Tour de France. On aura un gars qui nous vient de Troyes qui s'appelle Unique à découvrir. Eh bien, Unique à découvrir tout à l'heure, minuit. Sur Skyrock juste après la radio libre dans une minute. Nous on démarre une minute pile et on démarre avec Gigoté pour démarrer en beauté ce vendredi soir. Je tenais à dire à Romano que tu as fait une performance de fou dans ce morceau. Est-ce que tu as vu le clip? Mais il est magnifique. Il performe. Et tu n'aimes pas G-Fool avec sa tenue? G-Fool aussi. On le voyait pas trop, G-Fool. Oui, ils vous auraient mettre. Il se fait discret. Romano, le charisme extraordinaire. Ah ouais, t'as vu un peu ça, une bête de scène. Bravo. Eh ben on se fait plaisir. Merci à toi. Merci à vous, salut l'Alger. Ciao. Salut Fredo, à tout à l'heure. À toutes. Et là, on arrive. Dans une minute, Radio Libre, vous pouvez nous appeler dès maintenant, c'est parti. Hein.